Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et vous avez peut-être entendu que 2019 est l'année internationale du tableau périodique des éléments chimiques, le tableau de Mendeleïev qu'il a établi il y a 150 ans. Et vous savez nécessairement que jeudi prochain, le 14 février, c'est la Saint-Valentin et qu'on parlera de chocolat et d'amour. Alors comment conjuguer le tableau périodique, le chocolat et l'amour? Eh bien, on le fait avec Création Tantal qui fabrique des chocolats en forme de tableaux périodiques, de molécules de chocolat et de molécules de l'amour. Il fallait quand même y penser. Alors, Création Tantal, c'est l'idée d'une enseignante en sciences au secondaire 2 à l'école Horizon, je crois, qui a voulu faire croquer la science à ses élèves. Il s'agit de Chantal Maheu. Bonjour Chantal. C'est bien ça, l'école Horizon 2, école de l'Horizon? École de l'Horizon, à Lévis. C'est à Lévis, d'accord. Oui. Donc, Chantal, qu'est-ce qui vous a mis dans la tête de faire ces moules pour faire des chocolats en forme d'atomes, de tableaux périodiques? Bien, en fait, moi, au point de départ, là, j'ai toujours aimé fabriquer des petits chocolats pour offrir aux gens proches de moi, là. Et puis, je me suis mise à un moment donné à la recherche de moules avec des thématiques de sciences. Oui, ça va, on peut avoir des petits moules pour le Noël, Pâques, etc. Mais pour les motifs de sciences, j'en avais jamais retrouvé ou acheté en tant que tel. Et puis, bon, je me suis mise à la recherche sur le web pour voir si ce genre de moules scientifiques serait disponible. Puis, non, finalement, après quelques mois, il n'y en avait pas sur le marché. Alors, je me suis dit, go, c'est à mon tour, c'est à moi. Je plonge avec cette idée novatrice-là. Puis, bon, j'y ai mis quand même beaucoup de temps pour apprendre comment faire les moules en tant que tels. J'ai fait des essais, des erreurs pour pouvoir y arriver. Je suis entrée en contact avec bien des gens dans mon réseau de contacts pour finalement en arriver à avoir 4 modèles de moules qui répondaient vraiment à mes attentes. Dans mes 4 modèles de moules, j'en ai un qui est le plus petit, qui se trouve à être le moule de l'atome. J'ai par la suite mon plus grand, le tableau périodique du chocolat, en chocolat, qui permet de contenir tout près de 450 grammes chocolat. C'est quand même déjà une bonne tablette, ça. Oui, effectivement. Il y en a pour plusieurs des membres de la famille, là. Par la suite, voyez-vous, je me suis dit, bon, déguster le chocolat, alors j'ai fabriqué le moule qui représente la théobromine. La théobromine, c'est la molécule active dans le chocolat. Dans le cacao. Oui, effectivement. Et le tout dernier moule, j'ai eu l'idée de faire la molécule de l'amour, la phényléthylamine, pour souligner la Saint-Valentin d'une façon différente. Ben oui. C'est une petite barre de chocolat avec intégré à l'intérieur le dessin de la molécule. Ouais. Donc là, on croque dans l'amour. Effectivement. Et alors bon, vous êtes aussi enseignante en sciences, donc est-ce que vous servez de ces chocolats de façon pédagogique avec vos élèves? En réalité, ça me sert peut-être plus d'éléments pour créer des étincelles, pour créer un éveil par rapport à la science. Quand j'enseigne la petite section sur le sujet du tableau périodique, les atomes, les molécules, en lien avec mon document sur la chimie, je réalise un jeu de bingo. Mon jeu de bingo contient des éléments du tableau périodique. Et puis, les élèves avaient tout simplement à gagner des atomes et des molécules en chocolat. En chocolat, c'est intéressant. Donc, je leur fais finalement déguster la science d'une façon différente, disons. Ouais. Et est-ce que vous faites ces moules juste pour vous, bon, pour votre usage d'enseignante ou éventuellement peut-être pour d'autres enseignantes qui peuvent les acquérir? En fait, vous les vendez, ces moules? Oui. Via Création Tantal, vous les vendez, ces moules? Oui, effectivement. J'ai ouvert la clientèle pas seulement aux enseignants, là, aux chocolateries, aux gens intéressés par la science en général. Et depuis un an que je vends ces moules-là sur le marché. Et puis, 80% de mes clients proviennent de l'international. De l'international? Oui, effectivement. Les États-Unis, c'est mon plus gros marché. Royaume-Uni, Hong Kong quand même, c'est surprenant. Oui. Australie, Israël. Bon, j'ai quand même une dizaine de pays là qui... Peut-être qu'il va s'en vendre davantage cette année, celui sur le tableau périodique. Oui, présentement, là, j'en ai encore quelques-uns de dans ma banque là, en stock là, mais sinon j'irai en reproduction pour être en mesure de d'en avoir d'autres. Mais effectivement, on peut se surprendre que c'est vendu aux États-Unis, à Hong Kong, mais finalement c'est universel. Oui, effectivement, c'est vraiment par un site international ou par un moteur de recherche lorsqu'on va taper là, dans le Google, exemple, moule en chocolat science, alors ça ressort là, comme étant des sites créationtantale.com ou encore sur la plateforme de vente internationale qui s'appelle Etsy. Ouais. Alors, sur Etsy, c'est... Mais je voulais dire, finalement, le tableau périodique, il est le même qu'on soit à Hong Kong, universel. Qu'on soit en Israël ou en Islande. C'est universel. C'est la même chose. Oui. Puis, un modèle d'atome, c'est pareil, ça va être universel. Oui, d'où peut-être cet intérêt pour des endroits aussi différents. Peu importe la langue, ça répond à, c'est écrit pareil. À tous, effectivement. Exactement. Oui. Alors, ils sont faits en quoi, en fait, ces moules, et comment on les utilise si on veut, nous, en acquérir et se fabriquer un tableau périodique en chocolat? En fait, c'est des moules qui sont fabriqués avec un plastique qui respecte les normes alimentaires de la FDA. Puis, certains, on y met du chocolat, mais certains vont même les utiliser pour en faire des savons à thématique scientifique. Mm-hmm. Oui. Puis, comment est-ce qu'on les utilise? C'est relativement simple. J'ai fait une courte vidéo qui permet de représenter rapidement la petite séquence à faire à la maison pour pouvoir fabriquer sa tablette de chocolat. On amène tout simplement le chocolat à son point de fusion de 30-35 degrés Celsius et on verse par la suite dans le moule. On laisse solidifier le chocolat jusqu'à son état complètement solide. Et puis, ça prend seulement quelques minutes à température de la pièce ou dans le frigo, mm-hmm. si on veut que ça soit plus rapide. Et c'est déjà clé en main. On le décore un petit peu, puis on a notre petit chocolat bien particulier si on veut l'offrir à quelqu'un qui aime la science, entre autres. Là. Ben oui, pourquoi pas. Et ça se démoule facilement, j'imagine. Ah oui, vraiment. Okay. Oui, en fait, dans la conception, il y a eu plusieurs étapes là, sur plusieurs mois qui fait par des essais et erreurs. J'ai réussi à trouver l'angle qui facilite le démoulage du chocolat de son moule officiel. Mmh. Et bien, en fait, pour les avoir vus, là, c'est très professionnel, ces chocolats, là, c'est vraiment... Oui. C'est d'une précision impeccable. Ils sont beaux, effectivement. Oui, c'est ça, on voit tous les éléments, les éléments du tableau périodique, c'est vraiment surprenant. Oui, il y a de la précision, effectivement, dans chaque molécule, on voit le détail qui est bien précis. Oui. Oui. Alors, on parle du tableau, mais dans le fond, en fait, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Et là, je vais me tourner vers François. D'ailleurs, François, toi, tu es chimiste. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on a rangé les atomes dans un tableau? En effet, Valérie, c'est vraiment une excellente question parce que pourquoi faire un tableau alors qu'on aurait pu tout simplement les aligner sur une seule ligne, dans le fond? Les mettre en vrac. Oui, les mettre en vrac. ou Par encore... ordre alphabétique. Tout à fait. Ça aurait pu être... ou encore on aurait pu prendre un tableau de 10 colonnes de large... Oui. Mais non, il y a un tableau avec vraiment des formes caractéristiques. Oui, tout à fait. Les chimistes, en fait, en étudiant les propriétés des éléments qu'ils découvraient, ils ont remarqué que à tous les 8 éléments classés par numéro atomique, on retrouvait un élément qui avait toujours les mêmes propriétés. Mm-hmm. Alors, par exemple, le sodium, qui avait les mêmes propriétés que le lithium, c'est-à-dire qu'il réagissait de la même manière avec de l'eau, là, il y a une réaction violente avec de l'eau. Ou encore une réaction avec les halogènes. Ouais, mais quand tu dis tous les huit éléments par rapport à quoi? Par rapport au numéro atomique. Par rapport au numéro atomique. Si on les classe par numéro atomique. Ouais. Et le numéro atomique, il faut peut-être le rappeler? C'est le nombre de protons qui se trouvent dans l'élément. Donc, c'est vraiment ce qui distingue, ce qui caractérise l'élément. L'élément. Alors, au début, effectivement, on s'apercevait qu'à tous les 8 éléments, il y avait un élément qui avait les mêmes propriétés que le précédent. Puis, ça piquait la curiosité. Et puis, on s'est aperçu aussi à un moment donné que, au début, c'était 8 éléments, mais à un moment donné, c'était à toutes les... c'était à toutes les... 18 éléments, ensuite à tous les 32 éléments. Les chimistes ont compris que ces éléments avaient des propriétés chimiques semblables parce qu'ils avaient aussi le même nombre d'électrons en périphérie. Alors, c'est ça, finalement, qui détermine les propriétés, les électrons en périphérie. Et puis aussi, la période, là, finalement, c'est pour ça qu'on appelle ça le tableau périodique. Oui. Ça fait référence à cette périodicité d'éléments qui ont les mêmes propriétés. Oui, effectivement. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Okay. Si on regarde la première colonne des éléments, en fait, on y trouve les éléments qu'on appelle le lithium, le sodium, le potassium, le césium et le francium. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous un électron en trop et ils voudraient bien pouvoir s'en débarrasser parce qu'ils seraient beaucoup plus stables. Ah. Okay? Alors ça, c'est toute cette même caractéristique-là et c'est l'électron est toujours sur la dernière couche. Hein? C'est ça qui est important. Hein? Également, si on regarde dans l'avant-dernière colonne qui est à droite du tableau, on trouve le groupe des halogènes qui comprend le fluor, le chlore, le brome, l'iode et la state. Et ces éléments-là, il leur manque tout un électron. C'est ça. Et ils ont une forte tendance à en arracher un provenant de à peu près n'importe quel atome. Donc, ils sont très avides pour arracher des électrons. Donc, on peut donc prédire que si on mélangeait un alcalin avec un halogène, il y aurait une réaction chimique qui serait très violente entre les deux et il y aurait un sel de formé, quel que soit l'halogène ou l'alcalin qui est choisi. Et est-ce qu'il y a des éléments qui seraient stables, qui n'auraient pas envie de donner un électron ou d'aller en arracher un à leur copain? Effectivement, il existe un groupe, le dernier groupe à droite, le groupe des gaz, on l'appelait dans mon temps les gaz rares, mais maintenant on l'appelle les gaz nobles, alors qui comprend l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Alors, tous ces gaz sont donc très stables chimiquement et ils n'ont aucune propension à réagir avec d'autres éléments. D'accord. Et alors là, tu nous as parlé un petit peu des colonnes, mais si on regarde le regroupement par ligne, comment on peut le comprendre? OK. Alors, le regroupement par ligne reflète la récurrence des éléments aux propriétés semblables. Donc, par exemple, pour la première ligne... Récurrence, tu veux parler de la périodicité comme tantôt? Oui, exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc, elle est de 2 pour la première ligne du tableau périodique. En fait, on retrouve l'hydrogène et l'hélium. Donc, il y a seulement, dans cette période-là, 2 éléments. Mais pour les 2 lignes qui vont suivre, en fait, il va y avoir 8 éléments. Et ensuite, pour les lignes 4 et 5, ça va monter à 18 éléments. Et pour les lignes 6 et 7 du tableau périodique, ça va être rendu à 32 éléments. Donc, autrement dit, le nombre d'éléments varie selon la période. Oui. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait que le nom du tableau s'appelle tableau périodique des éléments parce que c'est fait en fonction des périodes. Ah oui, d'accord. Voilà qui explique. Oui, d'accord. L'aspect du périodique. Oui, voilà. Après cette visite scientifique du tableau, moi, je vous propose une visite culturelle à travers les noms des éléments chimiques. D'abord, un petit tour du monde avec des noms tirés de noms de pays. En fait, quand on regarde le tableau, on peut être surpris de la diversité des noms. Donc, on trouve, par exemple, pour voyager, on trouve qu'il y a un élément qui s'appelle le germanium, il y a le polonium, il y a le francium, le scandium pour la Scandinavie, le californium, l'europium, l'américium. Par contre, il n'y a pas de canadium. Mais, pas encore. Oui, peut-être pas encore, exactement. Et au-delà de la Terre, on trouve... le mercure qu'on connaît, on trouve même l'uranium qu'on connaît également, le plutonium, le neptunium. Il y a des noms d'éléments qui nous viennent de noms scientifiques. Donc, on trouve par exemple l'einsteinium, le copernicium, le fermium, le borium, qui sont tous des physiciens. Le curium aussi, quand même, Marie Curie a laissé son nom également. Et puis, bien sûr, le mandelevium, c'est son tableau. Effectivement, ça serait bien qu'il y ait son élément. Son nom, exactement. Puis, des noms d'éléments qui ont des noms vraiment bizarres, comme l'yttrium, le hafnium. Donc là, ça se réfère plutôt au site là où on a trouvé le minerai et dans lequel on a découvert l'élément. Et puis maintenant, aussi, François, dans le tableau, il y a les noms des éléments qui ne sont pas écrits en entier. Ils sont représentés par un symbole, comme par exemple le H pour l'hydrogène, le O pour l'oxygène. Mais parfois, le symbole, il semble ne pas avoir de rapport avec le nom. Par exemple, pour l'azote, on a un N. Pour le sodium, on a Na. Pourquoi? C'est ça, c'est que ça dépend de l'origine du mot, en fait. Alors, le N, en fait, il vient du latin nitrogenium. Et aussi, on pourrait dire que nitrogène, c'est un ancien mot français aussi qui était utilisé avant pour parler de l'azote maintenant. Donc, nitrogène. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle N. Maintenant, il y a aussi, comme tu disais, le sodium, dont le symbole chimique est Na. Alors, c'est quoi le rapport? Alors, ça vient tout simplement du latin. Le mot latin, c'est natrium. Alors, c'est pour ça qu'on a retenu le Na. Pour le potassium, le symbole chimique, c'est K. Alors, c'est quoi le rapport? Alors, il vient tout simplement aussi du latin, le mot kalium, qui commence avec un K. L'étain, son symbole chimique, c'est le SN, qui vient du latin, encore une fois, et le mot latin, c'était stanum. Mm-hmm. Ça se souvient souvent du latin, alors. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Et aussi, on a le symbole chimique SB, qui est le symbole chimique de l'antimoine. Alors, on voit qu'il n'y a aucun rapport. Oui. Alors, ça vient, ça aussi, du latin, du mot stibium. Et un que je trouve très particulier, c'est le W, qui est le symbole chimique du tungstène, en fait, le métal qui est dans les ampoules électriques. Alors, le W, ben, il vient pas du latin, lui, il vient de l'allemand Wolfram. Donc, Wolfram avec c'est un W. C'est le nom latin du tungstène, le non, Wolfram? Non, Wolfram, c'est le nom germanique, c'est le nom allemand. Ah oui, c'est ça, c'est le nom, c'est ce que je voulais dire. C'est le nom allemand du tungstène. Ah, tout à fait. Okay. Alors, c'est pour ça que le symbole chimique, c'est W et non TU, par exemple. Oui. Et aussi l'or, dont le symbole chimique est AU. C'est dommage, parce qu'en fait, ça aurait pu être simplement OR. Oui, mais le O est déjà pris... Ah oui, c'est ça. Je disais, le O est déjà pris par l'oxygène, mais ça aurait pu être OR. C'est ça. Sauf que OR, ça fait plus français, évidemment. En anglais, c'est gold. Donc, alors, en prenant un mot latin comme aurum, ben, AU, c'est le symbole plus universel pour l'or. Et celui que je trouve le plus particulier, c'est le mercure, dont le symbole chimique est HG. Alors ça vient du mot hydrargyrus, qui est un terme latin dérivé de l'ancien grec, et qui c'est une expression qui en français on peut chercher en dictionnaire, ça s'appelle de l'hydrargyre ou encore du vif argent. Ah oui, de l'hydrargyre, le vif argent, c'est de l'hydrargyre. C'est de l'hydrargyre et le symbole chimique c'est HG. Ben, je me tourne maintenant vers Chantal. Donc vous avez votre entreprise, vous l'avez appelée Création Tantale. Pourquoi Tantale? En réalité, ça date de mes études à l'université, dans mon baccalauréat en chimie. C'était particulièrement le surnom que les gens de notre petite gang me donnaient plus précisément. C'est original. Oui, c'est ça. Alors, on m'appelait Tantale au lieu de Chantal. Et puis, voilà, c'est tout simplement parti de cette origine-là. Je trouvais également que ça ressemblait à mon prénom. Donc, la combinaison de tout ça a fait en sorte que... c'est allé très rapidement dans le choix. Je trouvais que ça avait un repère qui me rattachait à mes études et puis qui me rattachait à mon origine de prénom également. Oui, parce que le tantal, c'est aussi un élément chimique. Oui, donc, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi le nom d'un dieu, le dieu tantal. On connaît le supplice de tantal. Avez-vous subi des supplices de tantal? Pourquoi on vous appelle tantal? Non, pas tout à fait. Non. Donc, il y a des fois, pour en revenir sur les noms de dieux, il y a aussi les noms des éléments sont aussi tirés de la mythologie parfois, donc comme le tantal. Il y a aussi le niobium qui vient de Niobé, qui est la fille de Tantal. Et pourquoi on a appelé le niobium, pourquoi est-ce qu'on lui a donné un nom qui est celui de la fille de Tantal? Parce qu'il a été découvert en association avec le tantal dans le minerai de la tantalite. Et puis en parlant de dieu, il y a aussi le palladium. Alors son nom, en fait, il vient de l'astéroïde Pallas, qui avait été couvert un an avant la découverte du palladium. Mais Pallas, c'est aussi une déesse. Et maintenant, François, si on passait des atomes aux molécules, en commençant peut-être par le plus simple, une molécule juste composée de deux éléments chimiques. Oui, on pourrait prendre par exemple le sel de table, en fait le NaCl, donc du chlorure de sodium, qui provient de la réaction entre le sodium métallique, le sodium dont on a parlé, c'est un métal qui est très mou, on peut le couper avec un couteau. Là. Ah ouais? Et il réagit aussi avec très violemment avec l'eau, dans l'air ou encore dans l'eau directement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait réagir du sodium avec du chlore. Qui lui est un gaz? Qui lui est un gaz, effectivement, un gaz jaunâtre, là, qui est très, très corrosif. Donc, un gaz en présence d'un métal, ben, il y a une réaction chimique. Le métal va brûler dans le gaz et ça va former du chlorure de sodium, qui est un sel. Donc, c'est quelque chose de solide, là, qui est cristallin même. Donc autrement dit, à partir d'un métal mou qu'on peut couper avec un couteau et d'un gaz corrosif, ben, on forme du sel de table. Qui est comestible, c'est ça? Qui est comestible. C'est comme me le rappelait Chantal, c'est ce qu'on met sur nos frites. Oui, exactement. Il y a aussi, par exemple, la fabrication de l'eau. En fait, la fabrication de l'eau se fait en brûlant de l'hydrogène dans de l'oxygène. Donc, ces deux éléments-là, ce sont des gaz. L'hydrogène, c'est le gaz le plus léger qui soit. Mm-hmm. L'oxygène, on en respire tous les jours, on sait qu'est-ce que c'est. Et quand on fait brûler l'hydrogène dans l'oxygène, ben, ça produit de l'eau, qui est un liquide incolore. Ben oui, exactement. Et si on voit dans... Oui, c'est ça. Donc ça, c'est juste des exemples très simples. On prend avec deux éléments chimique seulement. C'est ça. Après, on peut faire des molécules de plus en plus compliquées, là, jusqu'à l'ADN ou protéines. Ah oui, tout à fait. Mais, sans aller jusque-là, tu as peut-être d'autres exemples plus simples encore. Oui, mais il y avait, dans le petit peu plus compliqué, on peut parler du glucose qu'on a dans le sang, en fait, qui est l'union de 6 atomes de carbone avec 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Sauf que moi, je ne connais pas de procédés chimiques qui fassent ça. Je pense qu'il y a sûrement que l'organisme, en fait, les organismes vivants qui peuvent synthétiser cette... parce qu'on parle de chimie assez complexe. Les plantes le font, en tout cas. Les plantes le font, c'est ça. Et on en bénéficie, effectivement. Ouais. Et puis, il y a aussi des molécules beaucoup plus complexes, comme la théobromine, qu'on retrouve aussi dans le chocolat, dont la formule chimique, c'est C7H8N4O2, et dont Création Tantal a fait, en fait, un moule. Oui. N'est-ce pas? Il est gravé à l'intérieur de... du carré de chocolat qu'on peut manger. Ouais. Et est-ce qu'il est bon, ce carré de chocolat, si on allait en manger? Avant souper? Peut-être après. Ben, en tout cas, bon appétit. Et puis, ben, merci beaucoup, Chantal, d'être venue au studio nous présenter vos chocolats scientifiques. Ça nous a donné l'occasion de faire un petit survol du tableau périodique, d'en dire quelques curiosités. Donc, je rappelle que Chantal Maheu est enseignante en sciences au secondaire et, comme vous l'avez remarqué, passionnée de sciences et aussi fondatrice de Création Tantal.